Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire John D. Rockefeller, le capitalisme pour le meilleur et pour le pire. Comme personnage, il parle d'une voix basse. Il marche sans faire de bruit. Il est fatigable. Il sait tout sur les affaires de ses clients. Il est persévérant jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut au prix le plus bas. Dans un marché fou, il est sans merci et reste froid. Rockefeller a l'instinct du conspirateur. C'est Rockefeller que décrit l'homme de théâtre et l'historien Jean-Claude Germain à l'émission L'Aventure en 1988. Ce capitaliste vorace et sans scrupules va devenir l'un des hommes les plus puissants et les plus riches de la planète. Et avant de se transformer en grand philanthrope, il ne faut jamais oublier que Rockefeller reste d'abord et avant tout l'homme du capitalisme sauvage et sans merci du 19e siècle. Ils redoutaient l'ostentation de l'opulence. Mais un visiteur a décrit leur propriété comme l'endroit que Dieu aurait bâti s'il en avait eu les moyens. Ils ont amassé une fortune qui indigna cette nation démocratique, puis l'ont redistribuée en remodelant l'Amérique. Ils furent ce qui se rapprocha le plus d'une famille royale dans ce pays. Mais les Rockefeller fuyaient la publicité, à l'abri des murs de leur majestueuse demeure de Pocantico, dans l'État de New York. La famille fut tourmentée par la polémique entourant John D. Rockefeller, le roi de la Standard Oil. Considéré comme un prédateur impitoyable et le mal incarné, il a bâti un empire industriel et s'est constitué une fortune personnelle d'une ampleur sans précédent. Le lourd fardeau des Rockefeller est la gestion de leur immense fortune. Cette richesse qui croît jour après jour de manière incontrôlable. Ils doivent aussi assumer l'aspect moral de cette opulence. Comment la contrôler? Comment se contrôler? Extrait du documentaire The Rockefellers présenté au réseau PBS en 2000. Pour nous parler du père de la dynastie des Rockefellers, John Davidson Rockefeller, je reçois Francis Landlois, qui est professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières. Francis Landlois, bonjour. Bonjour, Jacques. Parlons d'abord, on va revenir sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Avant de parler de l'histoire du père de la dynastie comme telle, John D. Rockefeller, parlons de la famille, de ce nom-là, des Rockefellers. Qu'est-ce que ça évoque aujourd'hui encore, le nom des Rockefellers aux États-Unis? La réussite, la richesse, la puissance, on n'a qu'à penser au Rockefeller Center à New York, à Rockefeller University aussi, qui est un immense centre de recherche en soins médicaux. Et donc, ce sont des gens qui représentent la réussite, mais en même temps, tous les excès du capitalisme aux États-Unis. Mais c'est tellement une famille puissante et connue que le nom de Rockefeller est associé instinctivement au modèle économique américain. C'est un peu ça, au fond. Oui, tout à fait. Donc, la libre entreprise, le self-made man, il a peu d'éducation, il s'est lancé dans les affaires, il a réussi, il a remodelé l'Amérique à son image. Mais en même temps, il faut le dire, il a bénéficié d'un contexte peu réglementé. Et il faut le dire, il aime le libre marché quand ça l'avantage, mais sinon, il aime imposer son monopole. Et c'est le capitalisme sauvage du 19e siècle. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, pour certains, ces fervents défenseurs de ce modèle de libre marché, Rockefeller, John D. Rockefeller, c'est quelqu'un qu'on vénère. Mais aujourd'hui encore, il est détesté par d'autres Américains, entre autres. C'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui... provoque un clivage profond. On l'aime ou on le déteste. On le déteste, effectivement. Puis pourquoi? Parce qu'il a réussi à imposer un modèle tellement fort. Il a écrasé des ouvriers. Il détestait les syndicats. Donc, en 1917, il y a eu un massacre à une de ses mines. Des ouvriers se sont fait tirer dedans. Évidemment, il était capable de briser ses compétiteurs un par un. Et en plus, éventuellement, lorsqu'il contrôlait autour de 90 % du marché du kérosène aux États-Unis, il était capable d'imposer ses prix à lui au détriment de la population. Ouais. Donc, un modèle à suivre pour ceux pour qui la fin justifie les moyens et un modèle à condamner, évidemment, pour ceux qui veulent un capitalisme plus humain. Il faut être honnête en même temps, pour bien comprendre qui est John D. Rockefeller, il faut le situer dans son contexte. On écoute un extrait de l'émission « Alain Decaux raconte » diffusé en 1971. Voyez-vous, l'épopée, car enfin c'est une épopée, de John D. Rockefeller, elle s'inscrit dans une autre épopée beaucoup plus large qui est celle du capitalisme américain, d'un certain capitalisme américain au siècle dernier, car l'Amérique, au 19e siècle, c'est bien sûr la conquête de l'Ouest, c'est la ruée vers l'or, c'est la guerre de sécession, c'est Lincoln, c'est l'émancipation des esclaves, c'est tout cela et bien d'autres choses encore, l'essor industriel, bien sûr. Mais je crois que c'est aussi pour beaucoup la fabuleuse histoire des milliardaires. Et ces milliardaires, ils s'appellent Vanderbilt, Gould, Pierpont Morgan. Mais je crois que celui qui les bat de plusieurs longueurs, c'est John Davidson Rockefeller. Une histoire comme la sienne, personne ne pourra plus la vivre aujourd'hui. Poursuivons sur cette Amérique que décrit Alain Decaux dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Francis Langlois. À quoi ressemble ce pays-là? À quoi ressemblent les États-Unis de John D. Rockefeller sur le plan économique? Donc, au 19e siècle, particulièrement après la guerre civile, mais même avant, l'industrie commence à se développer, particulièrement l'industrie du chemin de fer. Et à ce moment-là, se créent des entreprises et forcément des fortunes qui dépassent la capacité du gouvernement fédéral à la réglementer. Et donc, ils sont capables de jouer les États contre les autres, de profiter du fait qu'il n'y a pas de réglementation pour exploiter soit des ouvriers, soit des investisseurs. Jay Gould se spécialise là-dedans, joue sur la valeur de la monnaie et de l'or et à lui-même, avec un de ses associés, réussit à créer une crise économique en 1869. Donc, ça en dit assez long sur ce qu'on appelle l'époque des robber barons, donc des barons voleurs. Là. Ouais. Et ça se développe très, très vite. L'économie de ce pays-là est en explosion parce que vous parlez du chemin de fer, mais il ne faut pas le perdre de vue. Là. Le pays avance géographiquement, se développe vers l'Ouest. C'est la conquête de l'Ouest, donc la découverte d'immenses ressources, qu'elles soient minérales, comme l'or. Par exemple, les 49ers s'en vont en Californie. Il faut monter un chemin de fer pour exporter les ressources qu'ils exploitent là-bas, mais les grandes prairies sont ouvertes aussi à la colonisation. Il y a des gens qui arrivent. Donc, c'est immense et c'est du jamais vu. Et le gouvernement est un peu mal outillé pour faire face à ça. Puis, bon, évidemment, il y a de la corruption et toutes sortes de choses aussi. Là. Ouais. Revenons à John D. Rockefeller. Comment débute sa carrière dans le monde des affaires? Donc, il a très peu d'éducation et dans les années 1850, il travaille pour une petite compagnie d'import-export qui fait essentiellement de l'exportation de grains. Et puis, à la fin des années 1850, il s'associe avec un autre homme et puis il se lance dans l'exportation de grains, mais à son propre compte. Et par chance ou malchance, en tout cas, ça dépend comment on le voit, mais la guerre civile éclate à ce moment-là et le prix du grain explose. Ouais. Et il fait fortune. Et donc, à la fin de la guerre, il se rend compte que, bon, le grain, c'est bien, mais il y a de la croissance, il y a du profit à faire dans un autre domaine qui est en plein développement. Donc, dans les années 1850, on a commencé à exploiter du pétrole dans l'ouest de la Pennsylvanie. L'inventeur Edwin Drake a inventé, disons, le derrick, la méthode pour pomper le pétrole du sol. Et il se dit qu'il y a de l'argent à faire là. Donc, pas dans l'extraction, mais dans le raffinage. Et comment il en... Parce que ça, quand même, ça a été son grand coup. Absolument. Pourquoi il décide de se lancer dans le raffinage du pétrole plutôt que dans l'exploitation, la recherche pétrolière comme telle? Bien, en fait, à l'époque, l'industrie du raffinage ne coûte pas très cher pour entrer dedans. Donc, ça coûte environ 10 000 $ à l'époque. Il a cet argent-là. Lui, il investit un peu plus avec son associé. Et il a cette idée de génie de s'installer à Cleveland. Personne ne veut s'installer là. Pourquoi s'installer aussi loin des grands champs pétrolifères? Bien, pour lui, c'est très clair. Il y a deux voies ferrées qui mènent à Cleveland. Et en plus, Cleveland a accès au Grand Lac. Et avec ça, il peut jouer les compagnies de bateaux ou les compagnies de chemin de fer pour exporter son produit. Contrairement, par exemple, aux raffineurs et aux extracteurs qui sont situés en Pennsylvanie, qui sont à la merci des grandes compagnies de chemin de fer qui peuvent imposer leurs tarifs. Donc, lui, il peut jouer. Déjà, il voit à long terme. Il ne voit pas à court terme, donc je vais faire de l'argent très rapidement. À long terme, il va être capable de jouer tout le monde les uns contre les autres. Et il comprend ça, cet instinct qu'il a. On parle souvent de l'instinct des gens d'affaires. Bon, un morceau important de cette entreprise de Rockefeller, c'est la création, la fondation de la Standard Oil Company of Ohio. Comment il va réussir à fonder, il cofonde cette entreprise-là, comment il réussit à se retrouver à la présidence de la Standard Oil Company of Ohio, qui sera vraiment le vaisseau amiral de son empire. On écoute le scénariste Christian Delmas en parler à l'émission L'Aventure en février 1992. Dès 1868, il produit 600 000 fûts par an. Rockefeller ne cessait pas de resserrer les frais généraux. Chaque dollar économisé était immédiatement réinvesti. Et par exemple, au lieu d'acheter des fûts qui lui revenaient à 3 dollars chaque, il s'aperçoit que ça serait beaucoup plus avantageux de fonder sa propre tonnellerie. Et les fûts qui sont fabriqués dans son entreprise ne lui reviennent plus qu'à 1 $50. C'est ce contrôle implacable des frais de revient qui a permis à John Davidson Rockefeller d'être élu président de la Standard Oil Company of Ohio le 10 janvier 1870, qui est une des dates les plus marquantes, bien qu'on ne le sache pas à l'époque, une des dates les plus marquantes de l'histoire de l'économie américaine. C'est la fondation de la société qui allait devenir l'entreprise la plus puissante du monde, en absorbe méticuleusement, l'une après l'autre, les sociétés concurrentes. Rockefeller crée donc la Standard Oil en 1870, Francis Landlois. En 1892, il contrôle à peu près toute l'industrie pétrolière américaine. Mmh. Comment il en arrive aussi rapidement à une telle domination? Quelle est la recette Rockefeller? Donc, la première des choses, c'est que Rockefeller recrute lorsqu'il rencontre des gens qui sont intéressants et non pas aux besoins. Et donc, une de ces personnes-là, c'est Henry M. Flagler. Et c'est lui qui va créer la structure légale de la Standard. C'est un génie du droit, alors qu'il n'a jamais étudié en droit. Mais c'est un génie du droit. Et ensuite, Rockefeller est imbu de cette piété baptiste que sa mère lui a transmise. Et il fait tout pour économiser et investir aux bons endroits. Donc, par exemple, pour éviter la mainmise des chemins de fer sur le transport, il va acheter des compagnies qui vont produire des wagons-citernes. Il va même faire les wagons-citernes qu'on voit aujourd'hui. C'est la Standard qui invente ça. Avant, on mettait des gros barils géants sur des plateformes. Maintenant, lui dit non, ça se renverse. Bon, il y a du gaspillage. Changeons ça. Et oui, effectivement, on va le changer. Ça fonctionne encore aujourd'hui. La plupart de ses compétiteurs perdent environ 40 % de la production parce qu'ils jettent les surplus, ils jettent les produits dérivés, tout ça. Lui, il dit non. Il engage des ingénieurs et il dit « Trouvez-moi des produits à faire avec ça. » Donc, c'est de là que vient, par exemple, la vaseline, donc qui était avant détruite, jetée littéralement dans les rivières, qui prenait feu par ailleurs. Là, donc, ça devait être charmant. Donc, gain d'efficacité, oui, absolument. Inventif, faut tout récupérer. Et puis, des structures, pour ceux qui connaissent un peu l'économie, mais de l'intégration. L'intégration à la fois horizontale et verticale. Oui, donc l'intégration horizontale, c'est donc d'intégrer tous les compétiteurs qui font la même chose que lui, donc les producteurs de pétrole et les raffineurs. Et l'intégration verticale, c'est d'intégrer toutes les étapes de la distribution. Ouais. Donc, c'est-à-dire acheter des compagnies qui font des tonneaux, acheter des compagnies qui font des wagons de train, des compagnies de distribution, des compagnies de bateaux, etc., des ports. Donc, il va acheter un immense port à New York, ce qui va lui permettre d'exporter son produit plus rapidement que tout le monde. Il va s'accaparer les marchés internationaux très ouais, rapidement. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais c'est surtout sa capacité aussi à absorber un par un tous ses compétiteurs. Sans aucun scrupule. Là, on arrive sur la dimension un peu moins glorieuse de l'homme, mais c'est un requin, vraiment. C'est un capitaliste sans scrupule aucun. Il joue très, très dur. Oui, il joue dur. Donc, dans les années 1870, il y a une crise dans l'industrie du pétrole. Il y a surproduction, il y a surcapacité de raffinage, et ça va pas très bien. Lui, il réussit à verser des dividendes à ses actionnaires. Tout le monde perd de l'argent, mais lui, il réussit à faire de l'argent. Et donc, il va être présenté à Rockefeller et à ses associés un plan qui s'appelle la Southern Improvement Company. Donc, ce sont les compagnies de chemin de fer qui veulent faire ça. Donc, elles vont rencontrer les gens de la Standard, mais ils vont rencontrer d'autres compagnies et ils leur disent, bien, écoutez, on va vous offrir des rabais sur nos chemins de fer. En échange, vous nous garantissez du volume. Et donc, Rockefeller va dire, oui, parfait, je vais faire ça. Mais il va faire mieux que ça. Donc, cette compagnie-là qui ne verra jamais le jour, finalement, parce que, bon, ça va sortir dans les journaux, les gouvernements vont intervenir, mais Rockefeller, entre-temps, avant que ça sorte, va aller voir ses compétiteurs, va dire, regardez, je fais de l'argent avec mon produit, et en plus, j'ai ces rabais-là pour les compagnies de chemin de fer, et à chaque fois que vous allez exporter, moi, je vais toucher une redevance par les compagnies de chemin de fer, et en plus, je vous le dis comme ça, mais je vais retenir l'information sur ce que vous exportez et sur vos clients. Donc, Et c'est là qu'il va les acheter un par un. Lui, il considère que c'est une entreprise caritative de faire ça, c'est de stabiliser le marché, c'est de rendre tout le monde heureux. Il rachète les gens plus cher que ce qu'ils veulent. La plupart de ses compétiteurs, il va leur donner un emploi à la Standard aussi. Donc, lui, pour lui, c'est il sauve le monde, il stabilise l'univers, puis bon, ben les choses vont mieux comme ça. On revient au 19e siècle. On l'évoquait un peu plus tôt, Francis Landlois. C'est un modèle de libre marché très, très peu contrôlé. Les autorités fédérales, quand même, voient ce que donne ce capitalisme sauvage et essayent. Il y aura deux vagues, mais dans les années 1890, déjà, on essaye un petit peu de réglementer ça. Il y a des lois antitrust qui sont adoptées, qui vise en particulier Rockefeller, mais d'autres barons du genre aussi. Quel impact ça va avoir sur l'Empire Rockefeller? Donc, en 1890, le gouvernement fédéral va adopter la Sherman Antitrust Act, donc la loi antitrust, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Microsoft est obligé de se diviser dans les années 90 à cause que le gouvernement fédéral trouvait que Microsoft était trop gros. Donc, toujours est-il qu'on adopte cette loi-là, mais on ne l'applique pas immédiatement. Mais effectivement, dans les années 1890, on va commencer à serrer la vis sur l'entreprise qui a profité de l'absence de loi pour s'incorporer et écraser donc l'essentiel de sa compétition. Mais il contrôle 90 % de la production du pétrole aux États-Unis. Ouais. Et donc, au début, ça ne fonctionne pas, mais graduellement, avec ce qu'on appelle le développement du muckraking journalism, donc le journalisme qui lance la boîte finalement, on va apprendre comment fonctionne l'empire de Rockefeller. On va se rendre compte qu'il contrôle beaucoup de compagnies qui ont des noms différents, mais qui finalement sont toujours la propriété des mêmes individus. Et le gouvernement, tranquillement, pas vite, va décider d'agir. Et bon, après une première tentative infructueuse dans les années 1890, en 1906, le procès pour le démembrement de l'entreprise de Rockefeller, donc de la Standard, va commencer. Et ce, après, bon, beaucoup de choses, mais notamment la diffusion d'une série d'articles par la journaliste et historienne Ida Tarbell, qui va faire, sur 2 ans, des articles qui vont sortir dans un magazine qui s'appelle le McClurg's et qui vont vraiment, à quelque part, mettre l'image de base de Rockefeller comme étant un requin, finalement. Ouais. C'est vraiment de là que ça vient. Parce qu'avant, c'était un homme quand même assez discret, donc on ne le connaissait pas tout à fait. Là. Donc, un travail d'enquête journalistique qui va montrer au grand jour quels sont les procédés que Rockefeller utilise pour contourner les lois. Ce qui fait qu'en 1911, Rockefeller va finalement être forcé à démanteler sa compagnie, la Standard Oil. Mais ce qui est assez paradoxal, Francis Landlois, c'est que ça va être pour lui un coût formidable d'argent. Oui, oui, absolument, parce que lui et ses associés sous-évaluaient la valeur réelle de leur compagnie parce que l'essentiel du capital qui la composait était à eux. Et là, ils sont obligés de vendre les différentes composantes sous forme d'actions sur le marché. Et c'est là qu'ils se retrouvent milliardaires, ou presque. Là, le fils, John Jr., dit « J'ai jamais vu le chiffre d'un milliard dans notre compte en banque, mais avec l'argent qui rentrait et qui sortait, ben, j'ai l'impression qu'on est devenu milliardaire à un moment donné, à ce moment-là. » Et en plus, Rockefeller qui... Depuis des années, en fait, lorsque sa compagnie est démembrée, essayait de se retirer. Donc, le président exécutif le retenait et disait « Non, non, vous devez rester, vous devez garder le titre de président de la compagnie. » Rockefeller essayait de s'en débarrasser. Bien là, à partir de ce moment-là, non seulement il est milliardaire, mais il est libéré de la Standard lui-même. Ouais. Ce qui fait que dès 1891-92, il s'éloigne tranquillement de la gestion des affaires. Mais vraiment, 1897, il va prendre sa retraite officiellement. Et ce fut le coup de théâtre. Il avait 56 ans et tout à coup, on apprend en Amérique qu'il quitte la présidence de ses affaires. Il prend sa retraite à 56 ans. Il faut dire qu'il a été très malade. Et puis, il va dans ses propriétés qui toutes se ressemblent parce qu'elles ont autour d'elles des murs énormes avec des tessons de bouteilles et des barbelés. Et ces propriétés sont gardées nuit et jour par des hommes armés, car il se passe une chose, Mr. John Davidson Rockefeller a peur. Il a peur, oui. Il a reçu beaucoup de lettres de menaces. Parce que si finalement les raffineurs s'en sont bien tirés, ils ont des paquets d'actions qui en effet leur rapportent beaucoup. Il y a tous ceux qui ont été victimes de tous ces mouvements, de l'interruption des achats de pétrole, de vente de pétrole. Il y a eu des chômages qui ont duré des mois. Et il y a eu des gens qui ont eu faim. Des gens très malheureux. Et ces gens-là en veulent. Alors que Rockefeller les reçoit des lettres de menace, on aura ta peau. Et il a peur. Et il serait mort peut-être dans la peur si un jour il n'avait pas reçu un certain Gates, un pasteur qui lui a dit, il faut, maintenant, tout cet argent que vous avez, il faut le donner. À nouveau, un extrait de l'émission Alain Decaux raconte en 1971. Alors parlons de ce virage philanthropique de Rockefeller qu'évoquait Alain Decaux dans cet extrait, Francis Langlois. Quelle forme ça va prendre? Autant ça a été un capitaliste du capitalisme sauvage, un requin du capitalisme du 19e siècle, autant dans l'imaginaire collectif américain, on revient un petit peu au début de l'émission, il sera plus tard reconnu aussi comme un grand philanthrope, la Fondation Rockefeller. Bon, quelle forme ça va prendre ce virage-là concrètement? Donc, à la fin des années 90, il est fatigué. En 91-92, il a fait une dépression majeure. Il a perdu l'essentiel de sa pilosité. Donc, il a été très malade. Et ensuite, bon, il essaie de se retirer. Et c'est finalement, donc, lorsqu'il rencontre un certain Frederick T. Gates qui va lui dire, effectivement, vous devez vous dissocier de votre compagnie et vous débarrasser, en fait, gérer votre philanthropie. Et donc, il va organiser les activités philanthropiques de Rockefeller qui, pourtant, c'est un génie des chiffres, mais n'arrivait pas vraiment à comprendre combien il avait. Gates va mettre en ordre ses affaires et va se mettre à donner des immenses morceaux de la fortune de Rockefeller à différentes causes caritatives. Et quand je dis des immenses morceaux, je vous donne un exemple. En 1903, il va fonder le General Education Board, qui est aujourd'hui la Rockefeller Foundation. Vous voyez que, petite parenthèse, il n'y a pas le nom Rockefeller à l'origine sur et ça, ça va être quelque chose de standard dans ses pratiques. Bref. Il ne veut pas nécessairement qu'on sache que c'est non, lui. Effectivement. Il reste discret. C'est très baptiste. Hein, c'est très pieux dans son... Bon. Donc, en 1903, il va commencer par mettre 50 millions là-dedans et il va faire construire des écoles un peu partout dans le Sud, particulièrement pour les jeunes Afro-Américains. Et dans les années 1930, il va rajouter 235 millions dans cette fondation-là, encore une fois pour l'éducation au Sud, bien un peu partout aux États-Unis, mais particulièrement au Sud. Donc, ce que ça donne comme idée, c'est qu'il y en a de l'argent et il va la redistribuer et Frederick Gates va l'aider à gérer ça. Parce que, évidemment, Rockefeller, un de ses problèmes, c'est qu'il y a toujours des gens autour de lui qui lui demandent l'argent, soit pour des investissements, soit pour des fondations, etc., etc. Et là, autour de lui, évidemment, il y a des gens qui sont là pour profiter de lui. Il faut le dire, là, il s'est fait avoir quelques fois là aussi. Il y a de la marge, cela dit, c'est une fortune colossale. Immense. Mais donc, ça va donner des investissements dans le secteur social, dans l'éducation, dans les arts, tout ce que la Fondation Rockefeller va faire plus tard. Oui, absolument. L'Université de Chicago qui reçoit 70 millions de dollars n'aurait pas existé sans l'intervention de Rockefeller. Et donc, c'est pas pour rien que son nom est à la fois synonyme de capitalisme requin, prédateur, etc., mais aussi de grandes interventions, de construction à la rigueur de la société américaine, parce que de grandes institutions de recherche qui sont fondées par sa philanthropie. D'où le titre de cette émission, « Le capitalisme pour le meilleur et pour le pire ». Francis Langlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, membre associé de l'Observatoire sur les États-Unis, de la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup, Francis. Avec plaisir, Jean. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.